Un coupable par Edouard Rode. Il y a une dizaine d'années, un procès dont j'étais chargé m'obligea à me rendre plusieurs fois de Lausanne au Sentier, dans la vallée du lac de Joux. D'abord, ce long trajet de montagne à faire par tous les temps dans une médiocre diligence me parut extrêmement fastidieux. Puis peu à peu, je me familiarisai avec ce paysage jurassien que je traversais en rêvant, auquel je laissais donc quelque chose de moi-même, et je l'aimais. J'aimais la mélancolie austère de ces horizons sombres, ces plaintives forêts de sapins, ces pâturages d'un vert aigu hérissés de dures gentianes jaunes, ces chalets isolés et silencieux, son lac surtout, un lac mystérieux qui reçoit plusieurs rivières, n'en rend aucune, et vide le trou-plein de ses eaux foncées et lourdes dans des entonnoirs souterrains. Je m'affectionnais aussi aux habitants de ce coin de pays qui nomment leur vallée la vallée, comme s'il n'en existait aucune autre au monde. De braves gens, à la fois montagnards, paysans et industriels, le plus souvent horlogers, descendants d'un petit nombre de familles de réfugiés français, aux mœurs antiques, intelligents, laborieux, économes, instruits, honnêtes jusqu'aux scrupules et pieux jusqu'à la dévotion. La diligence me prenait à la station de Romainmôtier vers les 4 heures de l'après-midi et me conduisait pour la nuit au Sentier en me laissant le temps de souper à l'auberge principale du grand village du Pont. Là, on me servait, après une assiette de soupe, une de ces délicates truites de rivière qui sont la spécialité de l'endroit et un morceau d'excellent bacherin, le savoureux fromage du pays. L'hôte me saluait, acceptait un verre de petit blanc et au départ me serrait la main avec un cordial au revoir. À chacune de mes haltes, j'apercevais dans un angle de la salle, attablé devant un verre d'absinthe, un vieux bonhomme barbu, trapu, à la face rougeaude, plus négligemment vêtu qu'il n'est d'usage dans le pays, fumant sa pipe en contemplant son verre et toujours absorbé dans une rêverie d'ivrogne ou peut-être dans de lointaines ressouvenances. L'hôte, que je finis par interroger sur cet immobile consommateur, me répondit « C'est M. Arnaud, qui était syndic du pont en 1855, l'année du crime. » Le corps de la diligence me rappela avant que je puisse demander des détails sur ce crime, qu'on appelait le crime, comme on dit la vallée. Or, à mon passage suivant, par une froide mais claire soirée d'octobre, un accident arriva à la diligence, et l'on m'avertit qu'il faudrait plusieurs heures pour la remettre en état. J'étais seul voyageur, et l'aubergiste, mon interlocuteur habituel, ayant été réquisitionné pour venir en aide au conducteur, je me trouvais seul dans la salle, seul avec le vieux buveur qui fumait devant son verre à moitié vide. Curieux de le voir de plus près, j'allai m'asseoir à la table proche de la sienne. Je me fis servir un vermouth en attendant mon repas, et ouvrant un journal qui se trouva sous ma main, je me mis à l'examiner. Il eut bientôt le sentiment que je m'occupais de lui. Lentement, comme si elle lui pesait très lourd, sa grosse tête se souleva. Ses yeux, qu'il tenait toujours à demi fermés, s'ouvrirent davantage pour se fixer sur moi. Ses lèvres remuèrent comme s'il voulait parler. Il toussa. Puis, d'une main qu'un tremblement continuel agitait, il prit son verre, se leva avec effort et vint s'attabler en face de moi. Je posai mon journal et le saluai de quelques mots qu'il ne parut pas entendre. Il avait repris sa pose accoutumée, les yeux demi-clos, la tête baissée, et je crus qu'il allait rester enfermé dans son éternel silence. Son voisinage immédiat me devint gênant. Je sentis une sorte de malaise, et pour me donner une contenance devant cet homme qui ne me voyait peut-être pas, je reprenais mon journal, quand tout à coup il avança vers moi sa lourde main osseuse, la posa sur mon bras, je sentis courir en moi un tremblement nerveux, et me dit « Vous ne savez pas l'histoire du crime, vous ?» Stupéfait, je fis un signe d'ignorance, il reprit aussitôt sourdement « Eh bien, je vais vous la raconter. » Et sans lâcher mon bras sur lequel sa main se crispait par moments à me faire mal, il se mit à me parler, avec l'accent lent du pays, en courtes phrases haletantes, les traits immobiles et comme figés dans une expression qui ne changeait jamais. Voici, c'était en 1855, il y a 20 ans. J'étais syndic du pont. Un matin, le père Meilland, le garde champêtre, vient m'appeler tout bouleversé. Il me dit comme ça, « Vous ne savez pas, monsieur Arnaud, le père Mathurin est assassiné. Il y a son corps sur la route du côté du lieu. Venez voir. » Il s'arrêta un moment. « C'est que vous ne savez pas qui était le père Mathurin, vous. C'était un colporteur français, voilà. Il demeurait aux Rousses. Il faisait la vallée en vendant des plumes, du papier, des porte-monnaies. On le connaissait depuis des années et des années. Pas une âme ne lui aurait fait du mal. C'était un brave homme, allez, protestant comme nous. Il racontait des histoires aux enfants. Il expliquait la Bible. La veille, je lui avais encore acheté des joujoux pour ma petite. Voilà que je sors avec le père Meilland. Des tas de gens se tenaient sur la route. Tout le village, quoi. Et le père Mathurin était déjà tout raide et blanc. Voyez-vous, blanc comme de la neige. Je vivrai 100 ans que je ne l'oublierai pas. Tenez, à présent, je le vois comme si c'était vous, avec sa vieille figure ridée et ses cheveux gris. Et il avait l'air si calme. Pour sûr, il était au ciel, celui-là. Le père Meilland me dit qu'il fallait voir si son cœur battait encore. Mais plus rien, il était bien mort. Il avait 6 coups de couteau, ici, là, là, là, là. Il marqua les places sur sa poitrine. Son front était trempé de sueur. Par moments, les mots semblaient s'arrêter dans sa gorge et on eût dit qu'il les arrachait de force. Il se tut quelques minutes, contemplant sans doute le cadavre du vieillard photographié dans son souvenir, puis il reprit encore. Piguet, le régent, me demanda « Qu'est-ce qui a pu faire le coup ?»« Moi, je ne savais pas, moi, n'est-ce pas ? Qui aurait pu savoir ? Jamais il n'y avait eu d'assassinat dans le pays. On n'avait rien pris au père Mathurin. » « Ça doit être une vengeance, » que dit le père Meilland. « Une vengeance de qui et de quoi ? Tout le monde l'aimait, le pauvre vieux, qu'on voyait revenir 2 fois l'an, comme un oiseau qui porte bonheur. On s'est mis à chercher, il est venu des gendarmes, des juges, de toutes sortes de gens. Inutile. Et on chercherait encore qu'on ne trouverait pas, on ne trouvera jamais. Jamais, c'est moi qui vous le dis. » Non. On ne trouvera jamais l'assassin du pauvre père Mathurin. » Sa voix baissait et finit par se perdre dans une espèce de sanglot. Un moment encore, il laissa sa grosse main sur mon bras, puis ses doigts se détendirent, il poussa 2 ou 3 soupirs pareils à des gémissements. Enfin, il porta son verre à ses lèvres, but quelques gorgées, se leva et se retourna dans son angle où il reprit sa pose hiératique. En la regardant, je pus me demander si j'avais rêvé. Si cet être immobile venait bien réellement de se trouver en face de moi, sa main sur mon bras et parlant. La servante vint m'avertir que mon repas était servi sur une autre table. Je n'avais plus grand faim. Pourtant, j'essayais de manger ma soupe. Comme l'aubergiste rentrait, je l'appelais. « Voyons, lui dis-je, expliquez-moi en détail ce que c'est que cet étrange personnage qui vient de me raconter l'histoire du père Mathurin. » Le brave homme sourit placidement et me répondit « Ah, il vous l'a raconté. » Je pensais bien qu'il vous la raconterait une fois. Il la raconte à tout le monde. Ça lui tourne dans la tête. Il ne peut penser à autre chose. C'est drôle tout de même. Mais il n'est pas heureux, le pauvre vieux. Mais pourquoi donc se souvient-il avec une pareille netteté d'un crime que tous les autres gens du village ont oublié depuis longtemps ? Ah, voilà. C'est que, comme je vous l'ai dit, il était syndic quand le crime a été commis. C'est lui qui a relevé le cadavre, lui qui a fait les constatations et les enquêtes, lui qui s'est démené avec la police pour chercher l'assassin. Et tout ça, ça lui a frappé l'imagination. D'abord, on ne s'aperçut de rien. Il était comme toujours, un peu plus agité seulement. On me disait, ce pauvre syndic, a-t-il eu du mal avec cette affaire ? Puis, quand l'instruction a été terminée, il a donné sa démission de syndic en disant qu'il n'était pas digne de ses fonctions puisqu'il laissait assassiner les gens. comme si c'était sa faute, n'est-ce pas ? Pour lui montrer qu'on avait confiance en lui, on a voulu le nommer au Grand Conseil. Il a refusé. C'était le plus gros propriétaire du pays, et tout le monde le considérait. Mais voilà qu'il a perdu sa femme et son fils, qui est mort d'un coup de froid attrapé à la frontière pendant la guerre. Alors il s'est mis à boire, en rabâchant toujours l'histoire du père Mathurin. Les gens se sont éloignés de lui et il a fini par ne plus causer qu'avec les étrangers auxquels il va raconter le crime. Bien sûr, il est devenu un peu fou. L'absinthe y aide. Il ne s'occupe plus de rien. Ses affaires sont en désarroi, ses biens hypothéqués, et s'il vit encore quelques années, il tombera à la charge de la commune. Depuis que je fréquentais les habitants de la vallée, je savais à quel point la conscience de ces braves gens est développée et susceptible, et combien, en ces âmes recueillies, le scrupule peut devenir torturant. Cependant, le cas de l'ancien syndic me parut extraordinaire. J'y vis tout de suite un de ces bizarres détraquements cérébraux qui résultent de l'exagération d'une faculté ou des ravages d'une idée auquel les psychologues commencent à s'intéresser, et j'eus la curiosité de l'examiner de plus près. Sitôt mon repas achevé, je me rapprochai du vieux buveur qui venait de se faire servir une nouvelle absinthe. « Est-ce loin du village ? » lui demandai-je, « que l'assassinat a été commis ?» Il souleva ses paupières, me regarda un instant, se leva et me dit « Venez voir !» Nous sortîmes ensemble. Le village était silencieux. Les maisons, les toits avec leurs cheminées, les arbres, la vieille église massive se dessinaient nettement dans la clarté blanche de la lune. Dans l'air froid et vif, on entendait craquer des branches, tandis que les rameaux éternellement verts des sapins répétaient leurs plaintes monotones. Les flots du lac, qu'une grande ligne claire coupait dans sa largeur, amenés par le vent en larmes régulières sur les cailloux du rivage, se plaignaient comme les sapins de cette voix douce des choses passives, et sur la route, l'ombre d'Arnaud s'allongeait à côté de la mienne. Il marchait d'un pas lourd, le dos voûté, la tête basse, les bras ballants, zigzagant un peu. Il gardait dans sa bouche sa pipe éteinte. Il ne disait rien. Mais à mesure qu'on avançait dans la solitude, sur la route qui chemine à quelque distance du lac, sa démarche devenait plus pénible. Quoique sa physionomie demeurât immobile et qu'il marchât lentement, sa respiration me parut haletante, essoufflée, et le moment arriva où il n'avança plus qu'avec des efforts extrêmes. À un contour du chemin où trois arbres forment une sorte de triangle, il s'arrêta, respira et me dit avec un geste saccadé, presque automatique, du bras droit « C'est ici ». Le lieu n'avait rien de sinistre. Je voulus adresser des questions au vieillard, mais contre mon attente, une fois sa première émotion surmontée, il s'exprima plus abondamment qu'à l'auberge, comme si, obligé à faire un plus grand effort, il arrivait, par le fait de l'énergie des pensées, à remettre quelque lucidité dans ses idées. « Le cadavre était là, » fit-il, « au pied de ce sapin, étendu dans ce sens, les deux bras presque en croix, la jambe gauche un peu courbée. Il n'y avait pas beaucoup de sang. La terre était humide, et l'on a pu suivre les traces de l'assassin. Il portait de gros souliers à clous. Après le meurtre, il est allé vers le lac par ce petit sentier qui traverse le champ. Peut-être qu'il s'est lavé les mains. Il est revenu et il a fait une centaine de pas du côté du lieu pour donner le change. Et il est rentré au pont. Au commencement du village, les traces se perdaient. Il eut une brève hésitation. À 10 pas de ma maison. On n'a pas retrouvé le couteau. Il ne manquait rien dans les affaires du père Mathurin qui avait une 50aine de francs dans sa poche. Comprenez-vous un mystère pareil ? À présent, on ne découvrira rien, c'est sûr. C'est trop vieux. Tout le monde a oublié. Il n'y a que moi qui n'oublie pas. » Quand il prononça ces dernières phrases, sa voix se déchira et comme ils demeuraient immobiles, anéantis, leur regard attaché à la place fatale, le problème qui m'avait déjà inquiété se posait plus nettement à mon esprit. Comment un homme de sens, un homme que ses concitoyens, non des paysans ignares, mais des gens intelligents et instruits, chargés de leurs intérêts parce qu'ils le regardaient comme le plus capable et le plus honnête d'entre eux, comment un tel homme avait-il pu être frappé par le fait d'un meurtre commis sur un étranger au point d'en devenir monomane? Quelque affinée que soit une conscience par le perpétuel examen des problèmes moraux, elle ne peut arriver naturellement à de pareilles aberrations. D'un autre côté, la paisible existence des populations montagnardes est trop simple et trop saine pour provoquer des troubles intellectuels qu'expliquent seuls les fatigues, les ambitions, les dérèglements et les excès de la vie des capitales. Je me tins rapidement ces raisonnements pendant qu'Arnaud demeurait à la même place, comme hypnotisé par ses souvenirs. Je regardais de nouveau. Sa face était toujours immobile, mais la sueur dégouttait sur ses joues. Il y avait quelque chose de terriblement tragique dans ce masque muet que l'angoisse mouillait. Alors, un soupçon, qui s'était peut-être ébauché déjà dans mon esprit, se formula soudain, horrible, affolant. Et ce fut instinctivement, sans réfléchir, que je m'écriai « Mais malheureux, c'est vous qui l'avez tué !» Arnaud se tourna tout d'une pièce, les yeux demeurèrent ouverts, la taille presque redressée. Un peu d'écume vint à ses lèvres. Il ferma ses gros poings et marcha sur moi, et comme je reculais, il s'affaissa sur le sol en râlant. « Ah, ne me dénoncez pas. Dites, ne me dénoncez pas. » Il se traînait à terre en tordant ses mains jointes. Enfin, ses traits avaient remué et sa face convulsée, à la bouche tordue, aux narines dilatées, aux yeux énormes, exprimait une indicible terreur. Quelque chose de son épouvante passait en moi, en même temps qu'il me venait pour lui une immense pitié. Quel crime méritait cette torture de 20 années? Quelle peine pouvait être comparée à cette impunité? Il répétait sa prière, de sa voix morte, avec ses gestes éperdus. « Ne me dénoncez pas, ne me dénoncez pas !»« Soyez tranquille, lui dis-je, je ne suis pas juge informateur, je garderai votre secret. »« Mais pourquoi avez-vous ?» Il devina ma pensée et m'interrompit en criant. « Non, non, non! « Je ne peux plus rien dire. Je ne peux plus. On ne le saura jamais, jamais. » Et se relevant, agile tout à coup comme un jeune homme, il s'enfuit en courant du côté du village. Mon affaire s'étant trouvée suspendue, l'hiver se passa sans que j'eusse l'occasion de revenir à la vallée. Mais au printemps suivant, je dus recommencer mes courses au sentier. La première fois que je m'arrêtai au pont, je remarquai que l'angle où le vieil Arnaud buvait son absinthe était vide. « Eh bien ? » demandai-je à l'aubergiste. « Qu'est-il donc devenu, votre ancien syndic ?»« Ah, le pauvre homme !» me fut-il répondu. « C'est une triste histoire. Je vous le disais bien qu'il était un peu fou. Eh bien, il l'est devenu tout à fait. Il a fini par se persuader qu'il était l'assassin du père Mathurin. Il est allé se dénoncer, et on a dû l'enfermer dans un hospice. » « Mais, fis-je après une hésitation, s'il n'était pas fou, s'il était réellement le coupable ?» L'hôte me regarda stupéfait. « Lui ? » s'écria-t-il. « Comment voulez-vous qu'il ait commis un crime pareil ? Jamais il n'a fait de mal à personne. C'était le plus honnête homme du pays. » Cette robuste confiance ébranla ma conviction. Je gardais pour moi les aveux du vieil Arnaud, et je ne sus jamais si j'avais affaire à un assassin dévoré de remords ou la victime d'une idée fixe. Ainsi s'achève un coupable des doigts rôdent.